Depuis que je suis médecin, la médecine et la chirurgie ont fait des progrès énormes. On a découvert des virus et des bactéries, inconnues du temps de ma jeunesse. On sait traiter et guérir des maladies considérées comme incurables il y a peu de temps. Bientôt, les chercheurs trouveront des drogues qui guériront des maladies qui, pour le moment, sont encore souvent fatales. J'ai examiné et ausculté des milliers de malades. J'en examinerai des milliers au cours des années qui viennent. Il y en a plusieurs sortes. Il y a ceux qui sont vraiment malades. Et puis, il y a les malades imaginaires. Ceux qui croient souffrir de l'appendice, d'un ulcère à l'estomac ou d'une maladie de cœur. Il y a aussi ceux qui adorent parler de leur opération et de leur séjour à l'hôpital ou en clinique. Il y en a qui veulent une ordonnance et un traitement avec des médicaments, des fortifiants et un régime. Plus on leur donne de cachets, de comprimés et de pilules, plus ils sont contents.